C'est important pour ceux qui récupèrent les convives, puis qui les rincent. Voilà. Donc, si ça ne va pas, vous n'hésitez pas à revenir. On se change ici. Comme ça, c'est plus rapide et on voit vraiment s'il faut changer. Parce qu'il faut qu'elle soit bien adaptée. Hein, si elle doit bien serrer quand même. Disons qu'elle doit un peu serrer, mais pas trop non plus. Hein. Si vous manque ça, c'est pas bon. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à remonter. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous. Donc, quand vous aurez mis la combi, si tout va bien, vous rabattez le bas du pantalon par-dessus le chausson. C'est pour fermer bien hermétiquement. Ça va ? Voilà. Ça, c'est donc pour vous. Mesdames, je vais vous demander votre taille aussi. Alors, je dirais bien un 42. Un 42 ? C'est du L. Petit. Pour madame, peut-être. Elle petit. Moi, elle petit, ben, pour madame, peut-être. 38 en pantalon. Parce que là, elle n'est pas grande, la dame, en plus. On va... Et vous, moi, c'est... Je ne sais pas, tu vois. Ouais. J'allais la ranger, mais j'ai peut-être... Ben oui. Vous pouvez, bien sûr. Alors, n'oubliez pas de la retourner avant de la mettre. Si c'est trop petit, n'hésitez pas à revenir. Madame, je vais vous donner un 42. Non, ça, c'est une 44. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas si ça va aller, parce que je ne vois pas bien en dessous comment... Il n'y a personne qui veut me dire. Ouais. Normalement, ça, c'est un 36, mais je mets plutôt 42. Oui, mais on vous donne toujours une taille au-dessus. Hein. Ah ouais. Et vous, vous dites ? Ça, c'est un 36, mais sinon, c'est plutôt 38 ma taille. 42, 43. Si c'est de taille au-dessus, je vais vous donner. Non, je vais vous donner la même chose, mais homme. Ça sera moins serré. Ah ouais, le petit taille, mais chez les hommes. Vous allez comme un gant. Ah, je suis sûre. Mais un seul doigt. Mesdames, quelle voiture ? C'est le problème. Quelle voiture vous faites ? Moi, 39. 38.